t'entendre parler avec des gars qui résistent. Je connais pas tout ça, moi. Je suis qu'à fond dans la team. Je fais sauter Jack et Daniel pour passer à Smirneuf. J'en ai marre, attaché à mon verre comme un Smirmort. Marécage, on te paraît calme, mec. On barricade, il paraît que je fais du rap, mais ça paraît crade. B.E.R. et K, j'étais en mode cube. Je reviens pour ta gueule et pour te mettre le front au cul. La pression est constante, c'est difficile de se trouver dans le bon sens. Parce que sur les bons sauts, et quand je dis plus, c'est pas pour faire bon genre. Un pour la détente, et puis un autre quand je sors la 8 décembre. Dans ma tête, c'est le désordre, et donc ça tape, divise dans tous les sens. Je démile et descends, sans bosser, juste faire kiffer les gens. M'imposer en évitant les putes qui veulent créer mes chances. 2007, on rentre dans la légende. À ce qui paraît, c'est dans le rap de Genève, c'est la guerre des gangs. Ok, ok, Marécage, c'est avec le Joker et une bouteille de Smirnoff. Ici, ça fume mes pires guns, que tu as du whisky, le Valentine dans l'âme, nomade. J'suis pas dans le time, moi j'pillarde dans le bar. Mélancolique comme un panda, du mal à bond d'armes, c'est le test. Ferme ta gueule et pends-toi. On coule avec une absolue, on touche l'échec. Vas-y, ferme ta gueule, c'est nous les chefs. J'suis pas matérialiste, j'ai des coups qu'on matéralise. En jette, je matéraclis, teste, mets la raclée. J'écrase mon cul, moi j'suis un standard. Les sales je m'en tape, on a tiré le mental. Le monde dans ma bouteille, on a grave de marijuana. J'ai pas la voix, c'est qui lâche le méga haut comme son Gohan. J'ai grave son choral, dangereux comme il cocaine. La fais pas à l'envers, j'la mets dans l'icona. Me paraît plus bon ici bas. Fais place à l'équipe pour pas se péter les décibels. Ouais, les frères sont décidés, le son enlève toute cette merde. C'est pour nous tous, toi, toute la tisse, toi, toutes tes peines. Bienvenue dans mes rimes ou marécages. Là où les frères sont stagiaires, des quais, des strips de maréchale. Moi, l'équipe, toi, ainsi pour être de prix Nobel. On a une pure rebelle, prends ma guinée, c'est bien mon pire complet. J'ai peu de choses, moi, pour être actif. Préfère partir mort violente et finir au paradis. Je sais pas où est mon avenir, c'est inquiétant. Avant de venir au monde, j'ai acheté la vie, mais j'ai perdu la quittance. Marécage street, nouveau comme le Big Bang. Quand je parle pour mes gars, ouais, tu sais à qui je pense. C'est pour Bender, Philippe, PR, Phyllis. A 205, c'est pas Beverly. Allez, ça roule la vie. Yeah. Passe pas une feuille, je la fume. Ouais, ouais. J'ai mis Genève dans mon oeil, y'a pas de chef dans mon village. J'ai la rage, pas le tout, ça grave, c'est parcours. Gazelle dans le gilet de sauvetage. Ils ont pas des gratte-ciels, qui n'ont pas l'or. On a les pieds un peu trop proches du parquet. C'est nos fans, l'air pour ton temps ou à 13. Un couscous dans la navette, leur rage plage, mais qu'on plaît. La cage des coups de tête, la sous-serre, les cachettes. Dans des flashs et des posters, qu'on fait tout travers. Faire un marécage. J'en chante la polémique, ma moto d'alcoolémie. J'ai pas trempé ma vie dans un bocal ou béni. Y'a pas de Dorémy dans nos cours de chant. Donne-moi une coupe de chance, les potes aux gouttes de chance. Entre taches d'encre et gouttes de sang. Écoute, j'écris mes coups de blouse pendant que t'aimes des couples sang. Qu'est-ce que je couvre, je tremble, et c'est tout ce blanc. Les petits cons passent du chichon à la poudre blanche. Alors, le trafic d'écureuils, qui croit en vous, même pas tu crois.